Les tombeaux des empereurs par Pierre Loti. Aussitôt après la dernière tasse de thé, nous remontons à cheval pour voir enfin ces tombeaux qui sont à présent là, tout près, et vers lesquels nous cheminons déjà plus de 3 jours. Mon confrère de l'Académie de Pékin, qui nous a rejoints, toujours avec ses grosses lunettes rondes, son petit corps d'oiseau sec perdu dans ses belles robes de soie, nous accompagne aussi K1K sur une mule. Pays de plus en plus solitaire. Fini les champs, fini les villages. Le chemin pénètre au milieu de collines qui sont revêtues d'herbes et de fleurs, et c'est une surprise, un enchantement pour nos yeux déshabitués. Cela semble un peu édénique après toute cette Chine poudreuse et grise où nous venons de vivre, et où ne verdissait que le blé des sillons. La perpétuelle poussière du Pechili, nous l'avons décidément laissée derrière nous. Sur les plaines en contrebas, nous l'apercevons comme un brouillard dont nous serions enfin délivrés. Nous nous élevons toujours, arrivant au premier contrefort de la chaîne mongole. Voici, derrière une muraille de terre, un immense camp de Tartares. Au moins 2000 hommes, armés de lances, d'arcs et de flèches, les gardiens d'honneur des souverains défunts. La pureté des horizons dont nous avions presque perdu le souvenir est ici retrouvée. Ces montagnes de Mongolie, semble-t-il, viennent soudainement de se rapprocher comme si d'elles-mêmes elles s'étaient avancées. Très rocheuses, avec des escarpements étranges, des pointes comme des donjons ou des tours de pagodes, elles sont d'un beau violet d'iris au-dessus de nos têtes. Mais en amont de nous, de tous côtés, commencent de paraître des vallonnements boisés, des forêts de cèdres. Il est vrai, ce sont des forêts factices, mais déjà si vieilles, plantées il y a des siècles, pour composer le parc funéraire de plus de 20 lieues de Tours où dorment 4 empereurs tartares. Nous entrons dans ce lieu de silence et d'ombre, étonné qu'il ne soit enclos d'aucune muraille, contrairement aux farouches usages de la Chine. Sans doute, dans cette région très isolée, on l'a jugé suffisamment défendue par la terreur qu'inspirent les mânes des souverains, et aussi par un édit général de mort, rendu d'avance contre quiconque oserait ici labourer un coin de terre ou seulement l'ensemencer. C'est le bois sacré par excellence, avec tout son recueillement et son mystère. Quel merveilleux poète de la mort sont ces Chinois qui lui prépare de telles demeures. On serait tenté, dans cette ombre, de parler bas comme sous une voûte de temple. On se sent profanateur en foulant à cheval ce sol, vénéré depuis des âges, dont le tapis d'herbes fines et de fleurettes de printemps semble n'avoir été violé jamais. Les grands cèdres, les grands tuyaux à centenaires, parfois un peu clairsemés sur les collines ou dans les vallées, laissent entre eux des espaces libres où ne croisent point de broussailles. Sous la colonnade de leurs troncs énormes, rien que de courtes graminées, de très petites fleurs exquises et des lichens, des mousses. Cette poussière qui obscurcissait le ciel des plaines ne monte sans doute jamais jusqu'à cette région choisie, car le vert magnifique des arbres n'en est nulle part terni. Et dans cette solitude superbe que les hommes d'ici ont faite aux mains de leur maître, quand le chemin nous fait passer par quelque clairière ou sur quelque hauteur, les lointains qui se découvrent sont d'une limpidité absolue. Une lumière paradisiaque tombe alors sur nous, d'un profond ciel discrètement bleu, rayé par des bandes de petits nuages d'un gris rose de tourterelle. Dans ces moments-là, on aperçoit aussi au loin de somptueuses toitures, d'un émail jaune d'or, qui s'élèvent parmi les ramures si sombres comme des palais de bel au bois dormant. Personne dans ces chemins ombreux, un silence de désert. À peine, de temps à autre, le croassement d'un corbeau, trop funèbre à ce qu'il semble, pour les tranquilles enchantements de ce lieu où la mort a dû, avant d'entrer, dépouiller son horreur pour demeurer seulement la magicienne des repos qui ne finiront plus. Par endroits, les arbres sont alignés en quinconce, formant des allées qui s'en vont à perte de vue dans la nuit verte. Ailleurs, ils ont été semés sans ordre. On dirait qu'ils ont poussé d'eux-mêmes, comme les plantes sauvages, et on se croirait en simple forêt. Mais des détails, cependant, viennent rappeler que le lieu est magnifique, impérial et sacré. Le moindre pont, jeté sur quelques ruisseaux qui traversent le chemin, est de marbre blanc, d'un dessin rare, couvert de précieuses ciselures. Ou bien, quelques bêtes héraldiques, accroupies à l'ombre, voulant au passage la menace de son rire féroce. Ou bien encore, un obélisque de marbre, enroulé de dragons à 5 griffes, se dresse, inattendu, dans sa neigeuse blancheur, sur le fond obscur des cèdres. Dans ce bois de 20 lieues de Tours, il y a seulement 4 cadavres d'empereurs. On y ajoutera celui de l'impératrice régente, dont le mausolée a depuis longtemps commencé. Ensuite, celui du jeune empereur son fils, qui a fait marquer sa place élue d'une stèle en marbre gris. Et ce sera tout. Les autres souverains, passés ou à venir, dorment ou dormiront ailleurs, dans d'autres Édens, du reste aussi vaste, aussi merveilleusement composé. Car il faut énormément de place pour un cadavre de fils du ciel, et énormément de silencieuse solitude alentour. La disposition de ces tombeaux est réglée par des plans inchangeables, qui remontent aux vieilles dynasties éteintes. Aussi sont-ils tous pareils, rappelant même ceux des empereurs Ming, antérieurs de plusieurs siècles, et dont les ruines délaissées ont été depuis longtemps un but d'excursion permis aux Européens. On y arrive invariablement par une coupée d'une demi-lieue de long dans la sombre futaie, coupée que les artistes d'autrefois ont eu soin d'orienter de manière qu'elle s'ouvre, comme les portants d'un magnifique décor au théâtre, sur quelques fonds incomparables. Par exemple, une montagne particulièrement haute, abrupte et audacieuse, un amas rocheux présentant une de ces anomalies de forme ou de couleur que les Chinois recherchent en toute chose. Invariablement aussi, l'avenue commence par de grands arcs de triomphe en marbre blanc qui sont, il va sans dire, surchargés de monstres, hérissés de cornes et de griffes. Chez l'aïeul de l'empereur qui reçoit aujourd'hui notre première visite, ces arcs de l'entrée, imprévus au milieu de la forêt, ont la base enlacée par les liserons sauvages. Ils semblent au coup de baguette d'un enchanteur avoir jailli sans travail d'un sol qui a l'air vierge, tant il est feutré de ses mousses, de ces petites plantes délicates et rares, car rien dérange, qui ne croissent que dans les lieux longuement tranquilles, longuement respectés par les hommes. Ensuite viennent des ponts de marbre blanc, arqués en demi-cercle, 3 ponts parallèles, comme chaque fois que doit passer un empereur vivant ou mort, le pont du milieu étant réservé pour lui seul. Les architectes des tombeaux ont eu soin de faire traverser plusieurs fois l'avenue par de factices rivières, afin d'avoir l'occasion d'y jeter ces courbes charmantes et leur blancheur quasi éternelle. Chaque balustre des ponts figure un enlacement de chimères impériales. Les longues dallées penchées y sont glissantes et neigeuses, encadrées par une herbe de cimetière qui pousse et fleurit dans tous leurs joints. Et le passage est dangereux pour nos chevaux, dont les pas résonnent tristement sur ce marbre. Le bruit soudain que nous faisons là, dans ce silence, nous cause d'ailleurs presque une gêne, comme si nous venions troubler d'une façon inconvenante le recueillement d'une nécropole. À part nous et quelques corbeaux sur les arbres, rien ne bouge et rien ne vit dans l'immensité du parc funéraire. Après le pont aux triples arches, l'avenue conduit vers un premier temple à toit d'émail jaune qui semble la barrer en son milieu. Aux quatre angles de la clairière où il est bâti s'élèvent des colonnes rostrales en marbre d'un blanc d'ivoire. Monolithe admirable, au sommet de chacun desquels s'assied une bête pareille à celle qui trône sur les obélisques devant le palais de Pékin. Une espèce de maigre chacal, aux longues oreilles droites, les yeux levés et la gueule ouverte comme pour hurler vers le ciel. Ce premier temple ne contient que 3 stèles géantes qui posent sur des tortues de marbre grosses comme des léviathans et qui racontent la gloire de l'empereur défunt. La première en langue tartare, la seconde en chinois, la troisième en mandchou. L'avenue au-delà de ce temple des stèles se prolonge dans son même axe, indéfiniment longue encore, majestueuse entre ses 2 parois de cèdre aux verdures presque noires, et recouverte par terre d'un tapis d'herbes, de fleurs, de mousses, comme si on n'y marchait jamais. Toutes les avenues de ce bois sont habituées au même continuel abandon, au même continuel silence, car les Chinois ne venaient ici qu'à de longs intervalles, en cortège respectueux et lent, pour accomplir des rites mortuaires, et cet air de délaissement, dans cette splendeur, est le grand charme de ce lieu unique au monde. Là-bas, au bout de l'avenue déserte aux verdures sombres, le temple final commence de montrer son toit d'émail. La montagne au-dessus, l'étanche montagne dentelée qui a été choisie pour être comme la toile de fond du morne décor, monte aujourd'hui, toute violette et rose, dans une déchirure de ciel d'un bleu rare, d'un bleu de turquoise mourante, tournant au vert. La lumière demeure exquise et discrète, le soleil voilé sous ces mêmes nuages couleur de tourterelle, et nous n'entendons plus marcher nos chevaux sur le feutrage épais des herbes et des mousses. On voit maintenant les grandes portes triples du sanctuaire, qui sont d'un rouge de sang avec des ferrures d'or. Encore la blancheur d'un triple pont de marbre, aux dalles glissantes, sur lesquelles ma petite armée recommence de faire, en passant, un bruit exagéré, comme si ces rangées de cèdres en muraille autour de nous avaient les sonorités d'une basilique. Et à partir d'ici, pour garder ses abords de plus en plus sacrés, de hautes statues de marbre s'alignent des deux côtés de l'avenue. Nous cheminons entre d'immobiles éléphants, des chevaux, des lions, des guerriers muets et blancs qui ont trois fois la taille humaine. Derrière ce temple, enfin, est le colossal tombeau. Pour enfouir un empereur mort, les Chinois découpent un morceau dans une colline comme on taillerait une portion dans un gâteau de titan, l'isolent par d'immenses déblais et puis l'entourent de remparts crénelés. Cela devient alors comme une citadelle massive et dans la profondeur des terres, ils creusent le couloir sépulcral dont quelques initiés ont seuls le secret. Là, tout au bout, on dépose l'empereur, non momifié, qui doit se désagréger lentement dans un épais cercueil en cèdre laqué d'or. Ensuite, on mure à jamais la porte du souterrain par une sorte d'écran, en céramique invariablement jaune et verte, dont les reliefs représentent des lotus, des dragons et des nuages, et chaque souverain, à son heure, est enseveli et muré de la même façon au milieu d'une zone de forêt aussi vaste et aussi solitaire. Nous arrivons donc au pied de ce morceau de colline et de ce rempart, arrêté dans notre visite par le lugubre écran de faïence jaune et verte, qui sera le terme de notre voyage de 40 lieues. Un écran carré d'une vingtaine de pieds de côté, encore éclatant de vernis et de couleurs, sur les grisailles des briques murales et de la terre. Ici, les corbeaux, comme s'ils devinaient la sinistre chose qu'on leur cache au cœur de la montagne taillée, sont groupés en masse et nous accueillent par un concert de cris. Et en face de l'écran de faïence, un bloc, un autel de marbre à peine dégrossi, d'une simplicité brutale qui contraste avec les splendeurs du temple et de l'avenue, est dressé en plein air. Il supporte une espèce de brûle-parfum, fait en une matière tragique et inconnue, et deux ou trois objets symboliques d'une rudesse intentionnelle. On reste confondu devant la forme étrange, la barbarie quasi primitive de ces dernières et suprêmes choses, là, tout près de ce seuil. Leur aspect pour causer je ne sais quelle indéfinissable épouvante. De même, jadis, dans la sainte montagne de Nikkō, où dorment les empereurs de l'ancien Japon, après la féerique magnificence des temples en lac d'or, devant la petite porte de bronze de chaque sépulcre, je m'étais heurté au mystère d'un hôtel de ce genre, supportant deux ou trois emblèmes frustes, inquiétants comme ceux-ci par leur fausse naïveté barbare. Il y a, paraît-il, dans ces souterrains des fils du ciel, des trésors, des pierreries, du métal, follement tassés. Les gens qui font autorité en matière de chinoiserie affirmaient à nos généraux qu'autour du cadavre d'un seul empereur, on aurait trouvé de quoi payer la rançon de guerre réclamée par l'Europe, et que d'ailleurs, la simple menace de violer l'un quelconque de ses tombeaux d'ancêtres eût suffi à ramener la régente et son fils à Pékin, soumis et souple, accordant tout. Heureusement pour notre honneur occidental, aucun des alliés n'a voulu de ce moyen, et les écrans de céramique jaune et verte n'ont point été défoncés. Même les moindres dragons ou lotus en saillie frêle y sont restés intacts. On s'est arrêté là. Les vieux empereurs, derrière leur mur éternel, ont dû tous entendre sonner de près les clairons de l'armée barbare et battre ses tambours. Mais chacun d'eux a pu se rendormir ensuite dans sa nuit, tranquille comme devant, au milieu de l'inanité de ses fabuleuses richesses. Ainsi s'achève Les tombeaux des empereurs par Pierre Loti.